mets des points qui comptent à chaque score. Pas besoin de qui que ce soit pour poser les premières pierres.